Toutes les couvertures des catalogues montrent des filles dénudées. Mais moi je préfère collectionner les polyèdres réguliers. J'ai des Rubik's Cube plein mes placards, des tétaèdres en avoir le cafard, des octaèdres comme s'il en pleuvait, des dodécaèdres avec leurs 20 sommets. Mais le plus beau nas, le plus kiffant avec ses 20 faces, le plus printanier et le plus joli, c'est mon icosaèdre fleuri. Sur toutes ses faces, j'ai dessiné des fleurs de toutes les couleurs, de toutes les odeurs. Des hibiscus, des poinsettias, des primes verts, des alamandas, des nélombos, des anthuriums, des coquelicots, des géraniums, des chrysanthèmes, des magnolias, des marguerites, des rowolfias, des agapanthes et du muguet, des ludwigias, des amaryllis, des boutons d'or, des myosotis. Après ça, j'ai oublié. Thank you.